Affaire sensible, la fiction, Mauvaise Graine. Une série en 4 épisodes inspirée d'une histoire vraie, écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossire, coordination Christophe Barrère. Aujourd'hui donc, premier épisode d'une histoire qui révèle les mensonges, les menaces et les silences que l'industrie agroalimentaire impose à toutes celles et tous ceux qui veulent fouiller l'état de l'agriculture française. Direction la Bretagne, pour une immersion dans les exploitations agricoles et les enquêtes menées par une journaliste opiniâtre, Inès Leroux, qui choisissait de s'installer dans la région pour quelques semaines en 2015 et qui n'en est jamais vraiment repartie. Travaillant pour différents médias dont Radio France, notre consoeur a peu à peu levé les voiles sur des pratiques du secteur agro-industriel, des pratiques qui usent, qui abîment, et les agriculteurs et les salariés, tout comme la terre. Les paysages rongés par les algues en bord de mer, les ouvriers agricoles devenus allergiques aux moindres produits chimiques à cause des pesticides, mais aussi des suicides, oui, des suicides chez les agriculteurs. Autant de marqueurs d'un malaise placé sous une chape de plomb. Eh bien cette chape, la journaliste va la soulever au fil de ses enquêtes, bientôt rejointe et aidée par d'autres camarades, journalistes, agriculteurs, syndicalistes, qui embarquent dans son sillage, apportent aide et renseignements et renforcent la portée de ses découvertes. Dans ce premier épisode de notre série de fiction Mauvaise Graine, épisode intitulé « Un mal qui répand la terreur », l'action se passe autour de l'année 2015 dans la commune pas si imaginaire de Ploumel, au centre de la Bretagne. Au sein de la coopérative, pas si imaginaire non plus, Copagraine, propriétaire de 300 sites en Bretagne. Après ce premier épisode de la série, nous recevrons Inès Leroux, dont l'enquête sur les algues vertes est déclinée en bande dessinée, un ouvrage intitulé « Les algues vertes, l'histoire interdite ». Et puis, avec nous aussi, François Perrache, scénariste à France Culture et France Inter, comédien, il a écrit de nombreuses séries pour Affaires Sensibles, dont celle-ci, cette série de fiction « Mauvaise graine ». Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mauvaise graine, une série de François Perrache, librement inspirée des enquêtes d'Inès Leroux. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Cédric Ossire. Premier épisode, un mal qui répand la terreur. En France, enquêter sur le secteur agroalimentaire n'est pas sans risque. La journaliste d'investigation Inès Leroux l'a appris à ses dépens. Depuis des mois, elle subit des pressions, des intimidations. Bonjour Inès Leroux. Bonjour. Sur quel sujet avez-vous enquêté ? Alors en fait, j'ai commencé à enquêter à partir de 2014 sur le premier groupe agroalimentaire breton qui s'appelle Triskelia. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir enquêter là-bas ? En fait, j'étais une journaliste indépendante basée à Paris et donc je faisais des reportages en prenant quelques jours de terrain à chaque fois. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à mettre un pied dans le monde de l'agroalimentaire breton, je me suis aperçue que quelques jours de terrain, ça suffisait pas. Les agriculteurs, ils avaient peur de parler et je comprenais pas pourquoi ils avaient peur, parce que pour moi, c'était des indépendants. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille vivre là-bas quelques mois. Puis en fait, quelques mois, ça suffisait pas. Donc, je suis restée des années. Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre pendant ces 3 ans? Alors en fait, c'est une enquête assez énorme, mais c'est vrai que au final, au bout de ces années que j'ai passées en Bretagne, j'ai commencé à recueillir de nombreuses histoires qui parlaient des pressions, des censures et des autocensures dans le secteur agroalimentaire, mais aussi dans les conseils municipaux, dans l'éducation nationale, et j'ai appelé ce phénomène la fabrique du silence. Oui. En fait, c'est comment ces pressions, ces censures aboutissent au fait que les gens ne parlent plus et il n'y a plus en fait de paroles critiques publiques sur l'agroalimentaire en Bretagne. Bien qu'inspirés de faits réels, les personnages et événements de cette histoire sont pure fiction. Mais toute ressemblance avec des faits réels ne serait pas nécessairement fortuite. Attention, le mec des pesticides, mais maintenant. Oui, le mec des pesticides, Guillou, il s'appelle. J'ai tout perdu. Ok. Désolée, mais m'engueule pas, s'il te plaît. Là, tu m'as fait hyper peur à hurler comme ça. J'ai cru que t'étais morte. Mais je suis morte. Le procès est dans 10 jours. J'avais écrit les 3 quarts de mon article. Oh. Inès, t'as tout en tête, non? T'as plus qu'à reprendre du début. Au commencement, il y a la soif inextinguible de comprendre. C'est plus compliqué que ça. Combien de fois ai-je entendu cette phrase depuis que je suis ici? Oui, c'est toujours plus compliqué que ça. Et plus on comprend de choses, plus il reste de choses à comprendre. Une quête sans fin. Alors il faut bien commencer quelque part, et faire sa part. Et puis, il y a cette illusion dans laquelle on se berce, cet espoir dérisoire que la compréhension sera le premier pas de l'action. Changer les choses, faire bouger les lignes, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, avec la colère comme moteur et la haine de l'injustice pour carburant. Comprendre pour agir, parce qu'en chacun d'entre nous, au plus profond de nos racines, il y a quelque chose qu'on n'a pas supporté. Une mère malade, lentement empoisonnée, qu'il faut apprendre à écouter. Un père qu'il faut guérir, lui aussi, de sa confiance aveugle dans la toute-puissante médecine. Enfant, j'aimais faire du jardinage et planter des arbres. À certains égards, j'ai continué. Dans mon métier, il faut labourer le terrain, planter un décor, faire le tri en séparant le bon grain de l'ivraie. Et puis, il faut être patient. Ici, les paysans disent « La pluie, une fois par jour, c'est trop, une fois tous les 2 jours, c'est pas assez. » Pour que l'histoire germe, il faut travailler dur, attendre l'eau du ciel et un dernier élément, source de toute vie, la lumière. La lumière aveuglante qui nous fait fermer les yeux par réflexe en sortant de notre caverne. La lumière salutaire, réchauffante, que tout être désire obscurément, mais dont personne d'abord ne veut. Non, dehors. Moi, je peux vous parler ou pas? Non, c'est par rapport à quoi le sujet, là? C'est un employé de la société Copagraine qui m'a dit qu'il vous avait livré des aliments toxiques. Ouais. Et que moi, j'essaie de remonter le fil. Je veux pas de problème avec eux. Non, c'est pour avoir des représailles, parce que y a un conflit entre nous, donc... Avec Copagraine? Ouais, donc désolé, mais c'est comme ça. D'accord. C'est juste pour parler. Si vous voulez, je laisse mon matériel loin. Non, vous partez, parce que ça va m'énerver. J'ai assez de problèmes comme ça. D'accord, je comprends, mais je... Non, partez. Non, mais je veux juste... Non, n'insistez pas, autrement j'appelle les flics. J'ai assez de problèmes comme ça, donc dehors, point barre. Vous avez pas vos vaches qui ont été malades? C'est le Guédec qui vous a parlé de moi? Qui? Non, j'ai eu votre nom par monsieur Guillou. J'écris un article en ce moment sur son procès. Ah bon, c'est Christophe qui vous a donné mon nom. C'est lui qui vous a dit de venir m'emmerder? Il ferait mieux de s'occuper de son procès. Justement, il vous a cité, donc j'ai pris l'initiative de venir vous voir, parce que... Enfin, il y a des gens qui commencent à être indemnisés aujourd'hui pour ça, pour les troupeaux malades, et Copagraine prévient pas tout le monde. N'insistez pas, je veux pas. Mais enfin, je comprends pas pourquoi vous vous méfiez autant alors que... Non, j'ai mes raisons. Bah apparemment, vous avez des problèmes avec Copagraine. Bon, point barre. Ça m'énerve là, alors foutez-moi le camp. Vous êtes sur une propriété privée, là. Oui, donc, mais déjà... si vous avez... Mais... On peut fédérer les gens qui ont des problèmes mais avec... Mais j'en ai rien à foutre de vos conneries, là. Bah je comprends pas, si vous-même... Bon, ça va. Si vous... Dehors. J'appelle les flics, autrement. Mais je... J'ai raison. Je pense que vous êtes stressé. Tous les gens que je rencontre, ils sont stressés dehors. Comme ça. Non, mais à un moment, il y a un problème. Dehors. J'ai mon point de vue là-dessus, donc dehors. J'enquête sur Copagraine. Dehors. J'appelle les flics. Les victimes. J'appelle voilà. Les flics. Voilà, les bon, victimes. Allez, hop. Enfin, je cherche à vous aider. Bon, allez, dégagez. C'est dingue. Dégagez non, parce que j'appelle les flics. Bah, appelez les flics si vous voulez. Enfin, c'est mais complètement. Mais vous. Ça va finir avec un coup de boule. Bah, venez me foutre un coup de boule. Je vous attends. Ça, c'est le film monté avec seulement la musique. On est en train de finir le texte de la voix off qui fera le commentaire. On est sur un format long, ambitieux, de plus de 3 minutes. Le concept de cette nouvelle campagne, c'est de faire parler la planète Terre elle-même. C'est elle qui va dire « je » dans le spot. Pour les images, comme vous le voyez, on a fait le choix de faire une série de portraits, des gros plans sur de beaux visages, dans des paysages très ouverts, très ensoleillés, comme ici. Et l'idée, bien sûr, c'est de presque jamais citer Copagraine, mais de mettre en avant les producteurs et les consommateurs. Évidemment, on a mis moitié-moitié homme-femme, des couples aussi de producteurs et d'éleveurs. Là, voilà, c'est une famille dans sa cuisine. On a représenté un peu tous les âges, tous les profils. Oui, donc il y a une fille noire quelques secondes là, mais le reste, c'est plutôt des profils locaux. Alors lui, c'est un vrai agri, mais sinon, tous les autres, bien sûr, ce sont des comédiens castés par l'agence. Tous les métiers de la chaîne de valeur sont mis en scène, hein, les agriculteurs, avec surtout des scènes d'extérieur. Voilà, des tracteurs en plein champ plutôt que de la production sous serre ou des porcheries industrielles, évidemment. Mais aussi la recherche agronomique, la distribution et les consommateurs finaux. Oui. Bonjour. Pardon tout le monde. Désolé pour t'interrompre, Chantal, je peux te parler une minute? Maintenant? Mais on avait rendez-vous ou... Non, mais... Ça va? Il y a un problème, il y a du nouveau? On peut faire le point. Tout de suite, là? Oui, s'il te plaît. Ok, ok. Je vous laisse regarder la fin du spot. La deuxième partie est super aussi. L'agence a fait un super boulot. J'arrive, hein. Je fais le point avec Monsieur Coisin et j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fous là? Tu m'as appelé, j'ai pas eu de message. Pas au téléphone, j'ai préféré venir directement au siège. Il y a un problème. Grave? Un problème chez toi, sur le site de Ploumel? Mais évidemment, à Ploumel! Évidemment que c'est grave, sinon je ne me serais pas tapé une heure de bagnole jusqu'à Landerneau. Moins fort. Et du calme, Yann, hein? Et explique-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est ton histoire de pendu? Quoi? Mais non, pitié, un problème à la fois, le gothique, on verra plus tard. Et vite les noms, même au siège, même entre nous. Alors c'est qui? C'est quoi le problème? Le procès de ton manutentionnaire? Faut pas t'affoler. Faut surtout pas s'affoler pour un petit procès. On laisse passer la vague, ça sera pas la première fois. Au pire, il y aura un mini-article ou deux pour annoncer le verdict. C'est quand déjà le délibéré? Le 23. Ça me laisse 8 jours pour faire le point avec le service juridique. Ils me disent si on prévoit de faire appel ou pas, je prépare un petit communiqué. On va faire appel. En l'occurrence, pas sûr. D'après les infos qui nous viennent du tribunal, on devrait encore s'en tirer pas trop mal. Donc si, comme prévu, on se prend une condamnation pas trop lourde, on aura intérêt à laisser pisser. J'aime autant qu'on en finisse. Guillou, il prend son chèque et que je n'entende plus parler. Vite les noms. Ouais, il prend son chèque et bon. En s'attaquant à nous, il s'est tiré une balle dans le pied. On va lui lâcher un peu de pognon, mais il a plus qu'à déménager dans la région, il est tricard. Ad vitam, plus personne ne le fera bosser. Sa famille et ses copains avec, donc bon vent, ouais, bon vent. Et tu veux que je te dise? Ce procès de ton petit manutentionnaire un peu allergique au nitrate, pour nous c'est tout bénef. Quand les autres salariés sur tous les sites à Ploumel et partout vont voir le résultat, ça m'étonnerait qu'ils aient envie de suivre le mouvement. Quand ils vont comprendre qu'il a dû se battre contre nous pendant des années pour au final perdre son boulot, foutre toute sa famille sur liste noire et devoir quitter sa région natale, tout ça pour une indemnité dérisoire. L'autre jour on en rigolait même avec le boss parce que je peux te dire que le chèque qu'on va lui faire, il devrait pas plomber nos comptes d'exploitation. Vous connaissez déjà le montant? Vous avez des fuites du tribunal? On t'occupe. Toi, Yann, ton boulot, c'est de faire tourner ton site. Mais pas le nez dans les questions juridiques, ni la com, laisse-moi faire. Et reste à Ploumel. Arrête de venir ici. Ça montre que t'es fébrile. Et si des mecs de chez toi viennent te faire chier là-dessus, tu nous les renvoies ici, au siège. À Ploumel, personne bougera. Ça va, je les tiens encore. Même pour le suicider, ils ont pas bronché. Entre les vieux de la vieille qui ont plus d'énergie, les intérimaires qu'on trouve pas perdre... Parfait. Donc pas de panique, Yann. Tout va bien. Tu fais tourner ton site comme d'habitude. Tu parles de rien à personne. On fait le dos rond pendant une semaine, on laisse passer le procès. Je m'occupe du communiqué de presse. Et si ça te rassure, je passerai moi-même quelques coups de fil aux rédactions pour minimiser le truc. Et être certaine que tout le monde sorte pas. Merci. Je fais bien parce qu'ils écrivent n'importe quoi. Ils parlent sans savoir, ils écrivent ce qu'ils veulent. Non. Crois-moi, c'est moi qui signe les bordereaux de commande pour les achats d'espaces publicitaires. Ils écriront pas ce qu'ils veulent. Je te promets, je m'engage, Yann, à ce qu'ils ne jettent pas en pâture le nom du patron du site. Tu seras pas cité. Ça te va? Rassuré? C'est pas la presse locale qui m'inquiète, c'est pas pour ça que je suis venu. C'est pour cette foule merde qui vient de Paris. Elle interroge tout le monde. Je sais pas ce qu'elle veut. Elle a même pas de famille ici. C'est comme si j'avais eu une projection d'acide, vous voyez. Dès que j'ai ouvert le sac de granulés, c'était très, très, très brûlant. Et le lendemain, tout mon cou était rouge vif, boursouflé. Ça s'est résorbé au bout de quelques jours, mais c'était atroce, comme un œdème. J'ai appelé mon médecin. Quand il m'a vu, il m'a dit, je vous fais une piqûre de cortisone tout de suite. Vous êtes peut-être allergique à ci, à ça. Moi, j'ai jamais cru à son histoire d'allergie. Peut-être que sur ce lot-là, il y avait quelque chose de mal dosé. Je sais pas, mais... Bon, c'était un accident, quoi. Un parmi d'autres. Et qu'est-ce qui vous a décidé finalement à attaquer votre employeur en justice, monsieur Guillou? Oh, ça a pris du temps. Il y a eu des tas de courriers, des visites médicales à n'en plus finir. On m'a regardé de partout, on m'a pas cru. On m'a dit que c'était dans ma tête. Les collègues me regardaient de travers, les chefs, j'en parle pas. Moi, au début, j'ai pas voulu porter plainte parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez instruit, quoi. Enfin, pas assez dégourdi, comme on dit, pour des affaires comme ça. Et puis j'ai été aidé par des gens qui m'ont fait rencontrer Maître Laforge. Et elle m'a donné du courage pour essayer. Mais ce qui m'a vraiment décidé au départ, c'est les poissons. Un soir, bon, j'avais passé la journée dans les hangars à grains. J'avais ramené mon bleu de travail à la maison pour le laver. Je le pose tout près du bassin, chez moi. Le lendemain, tous mes poissons étaient morts. J'avais une trentaine de poissons, je les ai tous perdus. Alors du coup, j'ai dit, ça peut plus continuer de bordel dans cette entreprise. Personne nous écoute et nous, on est en train de laisser notre peau. Et tout était contaminé, même nos gamins chez nous. Mon fils, quand il regardait la télévision sur mes genoux, il avait commencé à réagir, il avait des plaques rougeâtres sur le visage. Et c'est là que j'ai dit, non, faut que ça s'arrête. Il y a un gros problème dans cette coopérative. Et au quotidien, chez Copagren, ça consistait en quoi, votre travail ? Manutentionnaire. Remplir des sacs, brasser des sacs, préparer les livraisons de grains pour les éleveurs. Mon boulot, c'était crapahuter de brasser du grain dans les hangars pleins de pesticides. Sans protection ? Un masque en papier, des fois. Mais pas souvent, parce que l'été, là-dedans, on crève de chaud. On respire pas avec ces machins. Et après, quand il a commencé à avoir des morts, ils nous ont bien un peu dit de faire attention, mais ça a toujours été comme ça, ici. Sur le site où je bosse, à Ploumel, enfin, où je bossais, un ancien me racontait que sur les 15 gars de son équipe de l'époque, au même endroit, la même coopérative, ça a changé de nom, mais c'est la même coop. Mais je vous parle des années 90, hein. Là, j'y étais pas, moi. Eh ben, sur 15 gars, il y en a 12 qui sont morts. Cancer ou leucémie. Tous morts. Sauf trois, les plus costauds. Ouais, tout le monde a eu son petit cancer. Et c'est normal qu'il y ait des pesticides dans ces stocks ? Ben non. Mais le truc, si vous voulez, c'est que le grain, ça travaille avec l'humidité, la chaleur. Mmh. Et les problèmes, ils ont commencé quand la direction a voulu qu'on arrête la ventilation la nuit. Pour faire des économies d'électricité. Et nous, on disait bien que c'était une connerie, mais bon, personne nous écoute. Alors moi, au bout de quelques semaines, un matin, j'ouvre un silo, pas ventilé. Je découvre l'état du stock. Dans une poignée de grain que vous preniez, il y avait plus d'insectes que de grains de céréales. C'est n'importe quoi. Il y a du charançon, il y a du sylvain, qu'on appelle, et du ver de farine, des moucherons. En plus, c'était tout pourri, tout moisi. Ils en ont incorporé le maximum dans les chargements qui partaient, mais il en restait encore plein. Ils ont quand même voulu vendre ces céréales ? Mais à part tous les moyens, il fallait qu'il y ait le moins de pertes possible. La perte, ils ne voulaient pas l'entendre. Alors c'est là qu'ils ont voulu traiter avec des pesticides, avec des produits qu'on stockait ici sur le site depuis des années. Je ne saurais pas vous dire qui s'en est occupé parmi les collègues. Ça se disait pas trop. Mais ça se savait. Le problème, c'est qu'après cette opération, nous, on revenait bosser dans le hangar, hein, en simple bleu de travail. Et c'est pas des petits hangars, vous avez vu. Mais il y avait je sais pas combien de tonnes de grains pourris là-dedans. Ils avaient tout traité avec des insecticides. Et nous, on inhalait tout ça. Le soir, j'avais des saignements, des vomissements, des diarrhées. Et je mens pas. J'ai d'anciens collègues qui vont témoigner pour le procès. Je me suis vu prendre jusqu'à 5-6 douches par nuit, tellement ça me brûlait de partout. Vous en êtes plein auprès de la direction ? Un des tas de fois. J'ai demandé à leur parler, à les rencontrer, mais... Circuler, il n'y a rien à voir. C'est la pile de courrier que je vous ai montré l'autre fois. Ben, je peux en prendre un au hasard. T'as par exemple... 17 juillet. Bon, à ce moment-là, j'étais déjà en arrêt maladie. Je reçois un courrier de Monsieur Coisin, à en tête, Copagren et tout. C'est le directeur de l'usine. Oui, du site de Ploumel, oui, où je travaillais. Courrier en recommandé avec accusé de réception. Alors, votre courrier est daté du 30 juin dernier, a retenu toute notre attention, dans la mesure où, bien évidemment, la sécurité et la santé, tant physique que morale, demeurent une priorité absolue au sein de l'entreprise. Pour autant, nous ne pouvons que constater qu'à ce jour, la maladie dont vous faites état n'a pas été reconnue comme maladie professionnelle, voilà, ça, ni par la MSA, ni par aucune juridiction compétence en la matière. Ainsi, compte tenu de ces éléments, votre proposition d'organiser une rencontre ne nous paraît pas opportune. Il n'en demeure pas moins que nous déplorons la maladie dont vous êtes atteint. Et vous souhaitons un bon courage dans cette épreuve. Yann Coisin. table. Inès, 21h30, hein. Demain j'ai cours à 8h. Je dois parler du concept de la vérité chez Spinoza, des terminales technologies. Pourquoi ça les intéresserait pas? Bah, ça t'intéresserait toi, Spinoza, à 8h du matin? Le problème c'est pas eux, le problème c'est que 8h là-bas ça veut dire debout 6h pour moi. Et en espérant que la voiture démarre, donc je voudrais me coucher tôt. Excuse-moi, j'ai pas vu l'heure. J'ai réécouté tout mon enregistrement avec Christophe. Le procédé manutentionnaire? Tu l'appelles par son prénom? Je pense finir mon papier demain, mais je cherche encore une accroche. Ouais, bah demain, là, on passe à table. Ah, ton portable vient de sonner d'ailleurs, mais t'entendais pas avec ton casque. Bah, t'aurais dû me le passer. Je suis déjà ta cuisinière, je fais pas le secrétariat. Et tu leur diras d'arrêter d'appeler à cette heure-là. C'est qui? Numéro masqué. Non, merde, Inès, tu fais chier, t'écouteras ça après le dîner. Deux secondes. Ouais, bon, bah moi je commence, hein, tu boufferas froid. Je me tape déjà les courses, leur repas, pendant que madame... J'entends rien. Ça te dit quelque chose, le McGigan? C'est Place Verdun, non? Ouais, McGigan, je crois que c'est ça. Il a un nom de pub irlandais, mais c'est le petit café tranquille, à l'angle de la rue de la Trinité. C'était qui au téléphone? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas, j'ai pas son numéro, pas son nom, un mec, 50, 60 ans, je pense. Serge. Il me dit qu'il sait que je prépare un article sur le procès Guillou et qu'il veut me donner des infos après-demain soir. Il termine son message en disant qu'il veut m'éviter des ennuis. Ce que j'essaie de vous expliquer depuis une heure, ce qui se passe en Bretagne, c'est que les salariés de l'agroalimentaire ont peur de dénoncer les conditions assez lamentables dans lesquelles ils travaillent et les scandales sanitaires. Les gens ne veulent pas parler. Il y a une peur latente. Il y a une inquiétude par rapport aux conséquences que ça peut avoir et malheureusement, nous, on peut le constater au niveau du syndicat. Tous les salariés qui osent se révolter et dénoncer des scandales, la plupart du temps, ça se termine par des licenciements. Mais dans l'affaire Christophe Guillou, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est votre syndicat qui est en première ligne et pas un syndicat agricole. Qu'est-ce qu'un syndicaliste de la Poste vient faire dans une affaire agricole? Et je suis pas de Ploumel, hein. C'est pour ça que je peux intervenir. C'est comme les juges anti-mafieux, hein. Il vaut mieux délocaliser l'enquête. L'affaire Guillou, c'est symptomatique. Je vous explique. Quand Christophe est allé voir son syndicat, ils lui ont clairement dit qu'il s'occuperait pas de lui. Au nom de la défense de l'emploi. En gros, pour faire court, il faut pas ternir l'image de l'agriculture bretonne. Ici, tout le monde se connaît. Ils veulent pas parler parce qu'ils savent les conséquences très négatives pour eux et pour leur entourage. Et tout ça, c'est renforcé par des liens extrêmement étroits entre le monde paysan, l'agroalimentaire, les pouvoirs financiers, la banque, l'assurance, la MSA, oui, la mutuelle sociale agricole. Oui, oui. Et il y a une alliance très forte entre toutes ces institutions qui obéissent toutes à la même logique de soutenir l'agriculture hyper-productiviste en Bretagne. Ce qui fait que ceux qui osent dénoncer les scandales, ils peuvent avoir des ennuis multiples. Par exemple, s'ils veulent un prêt, ils auront un problème avec la banque. S'ils veulent acheter des terres, ce sera le poids de la SAFER, l'organisme qui gère les achats de surfaces agricoles. S'ils ont un problème de santé, c'est le parcours du combattant juste pour faire reconnaître leurs droits élémentaires par la MSA. Dans de nombreuses affaires d'empoisonnement. Il y a tellement d'obstacles que pour que l'industriel ait des problèmes avec la justice, il faut vraiment que ce soit terrible, ce qui s'est passé dans l'entreprise. Et c'est le cas dans l'affaire Guillou. Donc faut pas lâcher. Et donc il n'y a que des gens comme vous qui justement n'ont pas de lien avec le milieu agricole qui peuvent porter son combat, c'est ça? En tout cas, essayez. Moi, j'ai bientôt 40 ans de syndicalisme breton derrière moi. Serge Le Guédec, il est connu comme le loup blanc. Bon, je vous dis pas que je suis apprécié de tout le monde, hein. Plus jeune, je recevais tellement de menaces que pendant un moment, j'ai obtenu un permis de port d'armes à la gendarmerie. Quoi? Le nombre de fois où on a essayé de m'écraser, ce serait trop long à raconter. Bref, j'ai pas que des copains, mais tout le monde me connaît et je connais tout le monde. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler, pour pas que vous vous y preniez mal. C'est-à-dire? Je sais que vous avez rencontré Christophe Guillou plusieurs fois. Vous êtes là pour parler de son procès, c'est normal, c'est très bien. Mais si je peux me permettre, c'était pas une très bonne idée de vous pointer chez Laurent Roussel comme ça. C'est lui qui vous l'a dit? Je connais tout le monde. C'est Christophe Guillou qui m'avait parlé de ce Laurent Roussel et de son histoire de vache empoisonnée. Donc oui, j'ai voulu essayer de lui parler à lui aussi, mais ça a tourné court. C'est des gens qui ont beaucoup souffert. Ils se méfient de tout le monde. Moi, j'ai mis des mois à gagner leur confiance. Des années. C'est pour ça que je pense que c'est bien qu'on se parle, vous et moi. Laurent, on ira le voir sur sa ferme, ensemble, si vous voulez. Mais il faut y aller en douceur. Je comprends pas bien non plus ce que vous me proposez. Vous me dites que j'aurais pas dû aller chez ce Laurent Roussel, mais vous me proposez d'y retourner ensemble. Disons, je vous propose une alliance. Chacun dans notre coin, on n'a aucune chance. Ils sont trop puissants en face. Moi, je vous aide à avoir accès aux agriculteurs, aux salariés. À des tas d'histoires que vous soupçonnez même pas. Je peux même vous mettre en contact avec les avocats des victimes. Vous avez rencontré Maître Laforge, l'avocate de Christophe ? J'ai essayé, mais pas encore de réponse. J'imagine qu'elle se concentre sur la préparation du procès, c'est dans 2 jours. Oui. Et elle a d'autres affaires en préparation. Mais ça aussi, je vous raconterai. On ira la voir ensemble à son cabinet. Et qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que vous fassiez votre travail. L'agro-business est un vampire. Il n'a peur que d'une seule chose, la lumière. Il faut médiatiser les affaires. Donc, on a besoin de vous. En plus, vous venez de Paris. Les médias nationaux, c'est pas rien. En Bretagne, la presse locale est très puissante. Les tirages sont même supérieurs à beaucoup de quotidiens nationaux. Pourquoi vous ne vous alliez pas à eux, comme vous dites ? Il y a un journaliste de la région qui est devenu célèbre sous le surnom de Monsieur 3 millions. Depuis, il a disparu de la profession. Il avait sorti une enquête bien foutue sur l'agroalimentaire breton. Son journal a perdu 3 millions de recettes publicitaires dans l'année. Ici, les industriels possèdent carrément des médias. Ils ont un journal diffusé dans les 45 000 fermes bretonnes. Ils ont un journal, un magazine. Et même vis-à-vis de la presse dite indépendante, les groupes agro ont une telle puissance financière, ils sont des annonceurs tellement importants qu'ils ont des moyens de pression financière, de rétorsion même, énormes sur les médias locaux. En supprimant des encarts publicitaires. Entre autres. Eh, mais il y aura encore beaucoup à dire. J'ai tout mon temps. Je le souhaite. Il nous en faudra. Comptez rester un peu dans la région ? Je viens de m'installer en Bretagne. J'ai l'impression qu'il y a de quoi faire. C'est un magnifique terrain d'investigation. Si vous avez l'intention de rester et de travailler sur le milieu rural breton, je vais vous donner un petit tuyau. Faites vos enquêtes en hiver. Au beau jour, personne ne vous répondra, il y a du travail sur les fermes. Mais débarquez dans un petit village du Crès-Bresse ou du Trégor en hiver, sur les coups de 5-6 heures du soir, si possible, un jour de pluie. Eh oui, ça arrive en Bretagne. Et foncez au café. Il n'y a rien à faire qu'à commander un verre et attendre. Et si jamais il n'y a pas de bar dans le village, c'est encore mieux. Personne ne vous laissera dehors. Il y a toujours quelqu'un pour vous faire entrer chez lui et vous offrir le café dans la cuisine. Et en hiver, on s'ennuie. On est même un peu triste parfois. Alors on aime bien causer. En hiver, dans les cuisines des fermes bretonnes, vous en apprendrez de belles. Cette décision est une victoire pour M. Guillou, qui mène depuis maintenant près de 7 ans un combat sans relâche pour faire reconnaître sa maladie, pour exiger réparation et dénoncer le scandale sanitaire et environnemental que représente aujourd'hui l'utilisation massive et irresponsable des pesticides dans l'industrie agroalimentaire. 100 000 balles, putain. Connasse d'avocate. Pendant l'audience, elle m'avait posé des questions super vicelarde. Tu t'en es très bien sorti, Yann. Et la boîte s'en est pas si mal tirée avec ce verdict. Primo, l'avocate te cite pas. Et deux yeux, elle fait pas le lien avec le suicide de l'autre. Pas encore heureux, ça a rien à voir. Il y a 7 ans d'écart entre les deux affaires. Peut-être, mais c'est sur le même site, le tien en l'occurrence. C'est la même avocate et les deux procédures vont s'enchaîner. Tu crois que la presse va faire le lien entre Guillou et le Gothic ? Pas de nom. Oui, ils vont faire le lien. Ils mélangent tout, exprès. C'est pas parce que c'est la même boîte que... fallait que ça tombe sur moi. Je la sens pas, cette avocate. On n'a jamais payé autant. On va faire appel, j'imagine. Je pense pas. Trop risqué. Il va toucher plus de 100 000 balles quand même, hein. Pas mal pour une allergie. Je peux te dire qu'au tribunal de Saint-Brieuc, il y en a quelques-uns qui peuvent dire adieu à leur promotion. Le patron de la Fédé va passer quelques coups de fil. Mais le fric, c'est pas un problème. Et que l'avocate se pavane, c'est son rôle. En revanche, ça... Ça m'inquiète. T'as lu ? C'est quoi ? Un communiqué d'une association de victimes des pesticides qui s'est emparée du truc et qui essaye de faire le lien avec d'autres affaires. Attends, je te l'ai lu. Ces salariés courageux qui, rappelons-le, ont perdu plus qu'un travail, ne cessent d'ouvrir des brèches dans ce milieu où règne l'omerta. Nous espérons que cette décision donnera le courage à d'autres de faire savoir qu'ils sont aussi victimes des pesticides, notamment en témoignant. Nous avons fort à craindre que de telles situations concernent un nombre élevé de salariés exposés chaque jour à des agents chimiques et dangereux, etc. Un manutentionnaire qui gagne un procès contre nous une fois tous les 7 ans, ok. Un suicide sur un site, à la rigueur, ça se gère. On se démerdera pour dire qu'il était alcoolique ou dépressif, ou les deux. Mais faudrait pas que ça fasse tache d'huile. Tu crois pas si bien dire. D'après ce que je sais, la journaliste de Paris est en train de déterrer une troisième affaire, avec un gars qui en a livré du grain pourri, Roussel. Les vaches qui ont bouffé de l'aliment pour lapin? C'est pas réglé, ça. Mais c'était réglé. En tout cas, c'était en suspens depuis des années. On lui avait foutu la pression, on avait mandaté un veto chez nous pour aller l'embobiner, ça l'avait calmé, mais maintenant, cette fouine de journaliste remet le nez dedans. Elle traîne avec le Gadec. Comment ça m'emmerdait, celui-là aussi? Ça, à la poste, hein, ils sont plus efficaces pour faire chier ceux qui bossent que pour livrer des colis. Hein. Et elle, je viens de lire son papier sur le procès, c'est un torchon, hyper partial, évidemment. Hein, les gentils salariés contre les méchants patrons pollueurs, toujours les mêmes conneries. Pas lu, pas encore. Comment elle s'appelle déjà? Je croyais qu'il fallait pas citer de nom. T'as raison. Je vais la pister, on va lui trouver un pseudo. Chantal, il faut que tu surveilles cette fille comme le lait sur le feu. Mauvaise graine, de François Perrache. Premier épisode, un mal qui répand la terreur. Avec Claire Sermon, Jade Labeste, Jean-Claude Leguet, Pauline Moulaine, Éric Savin, Roch Lebovici, Régis Rommel et Florence Pernel. Bruitage, Bertrand Amiel. Enregistrement, montage, mixage, Antoine Viossa, Élise Leu. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossir. Just feel so low. The sky is breaking open. We keep hoping. In the distance, we'll see a glow. Lightning light our way till the black sky turns back into gold. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. France Inter, la fiction Mauvaise Graine. Donc, nos invités aujourd'hui, la journaliste Inès Leroy soi-même, si je puis dire, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes l'autrice des enquêtes qui ont permis de proposer cette série en 4 épisodes. Et puis, François Perrache, scénariste, qui a écrit cette histoire et a interrogé le réel avec la fiction. Bonjour François. Bonjour. Alors Inès Leroy, racontez-nous d'abord ces débuts d'enquête. Pourquoi et comment vous êtes-vous décidé à travailler sur l'agroalimentaire? Est-ce qu'il y a eu, comme on dit, la puce à l'oreille, un événement qui vous a suggéré le fait de se lancer dans cette enquête? C'est une longue histoire, il y a eu plusieurs événements. Il y a eu une maladie chez ma mère qu'on a mis longtemps à comprendre et qui était liée en fait à des polluants environnementaux, chimiques. Et puis il y a eu la rencontre avec un personnage qu'on entend dans la fiction, Serge Lagadec, le Gadec, et qui est un syndicaliste qui travaille, qui aide des ouvriers de l'agroalimentaire et qui m'a informé en fait sur des situations de catastrophes sanitaires et environnementales. Son nom résonne Bretagne, hein. C'est pour ça que vous allez en Bretagne. Et voilà, suite à cette rencontre, je le rencontre dans le Jura, il me parle de la Bretagne. Moi je suis pas bretonne, j'ai grandi dans le Maine-et-Loire. Mais après cette rencontre, il attise ma curiosité, j'ai envie d'en savoir plus. Je me rends dans les Côtes d'Armor et en découvrant sur place en fait à quel point les agriculteurs qui sont victimes d'une grave contamination, leurs troupeaux aussi, ces agriculteurs sont pourtant murés dans le silence. Je me dis qu'il faut que j'aille vivre sur place pour mieux comprendre en fait les coulisses de ces productions agroalimentaires. Alors, comment se passent vos débuts? Parce que je pense que ça se joue probablement au début. Enfin, on peut rectifier le tir après. Mais c'est tellement important, les premiers pas. Comment se passe-t-il? Ça se passe que des amis acceptent de me prêter une résidence secondaire qu'ils ont en Bretagne, enfin une maison de vacances, mes parents une vieille voiture, je vais m'installer là-bas. Et en fait, je pensais rester quelques semaines parce que ça me paraissait long, des semaines d'immersion. Et au bout de 6 mois, voire 1 an, j'ai toujours pas réussi à tisser des liens de confiance avec les agriculteurs. Ça va être très très très long. Ils se méfient énormément des médias. Et donc je vais devoir poser mon crayon, mon micro, arrêter mon activité journaliste et aller aider les agriculteurs dans les fermes pour parler avec eux en off et comprendre un peu leurs activités au quotidien et quelle est la nature réelle de leur travail et de leurs liens avec les groupes agroalimentaires. Donc il fallait pour cela que vous soyez soutenu seul, j'imagine, complètement seul, c'était très difficile, voire impossible. Donc qui sont les gens qui vous soutiennent et quelles sont leurs motivations? Alors déjà, je travaillais pour Les Pieds sur Terre sur France Culture avec Sonia Kronlund qui était intéressée par cette démarche et puis et qui suivait cette démarche. Et puis sur place, j'ai eu notamment, par exemple, une femme, Yolande, qui tenait le bar du village où j'allais travailler régulièrement. Et elle a commencé à me donner quelques informations, à me présenter des témoins, à me dire « lui, peut-être qu'il acceptera de te parler ». Elle m'a guidée, en fait, dans mes recherches et mes prises de contact. Et puis, il y a eu ce fameux Serge, qui m'a beaucoup accompagnée, qui connaissait depuis longtemps le système agroalimentaire et son aspect un peu mafieux. Et puis après j'ai une alliée qui apparaît aussi dans cette série qui s'appelle Morgane Large, qui est toujours une journaliste locale. Oui. Voilà, il y a eu beaucoup d'autres alliés, mais ça fait partie des principaux. Vous avez lâché un mot important, mafieux, on va y revenir plus tard. Vos premiers reportages radio et vos premiers documentaires parlent justement de cette difficulté d'obtenir des réponses, car dans cette région, je donne quelques éléments d'information, près de 30% des emplois sont reliés au secteur de l'agriculture, donc le sujet est forcément sensible. En 50 ans, le nombre d'exploitations agricoles est passé de quelques 200 000 à 30 000, autrement dit, leur taille a quintuplé. Et la Bretagne, en réalité, est devenue le laboratoire à ciel ouvert du productivisme agricole français d'après-guerre. Et pourtant, en 2015, un décompte de la Sécu de l'agriculture révélait que 605 travailleurs de la terre s'étaient donné la mort. Vous avez ressenti ce malaise chez les agriculteurs, j'allais dire forcément, mais comment est-il exprimé ou pas exprimé d'ailleurs? C'est vraiment le principal sujet, en effet. Avec ces chiffres, on s'aperçoit qu'il y a presque 2 suicides d'agriculteurs par jour. c'est la catégorie socio-professionnelle en France qui se suicide le plus. Et en fait, les agriculteurs sont dans une situation... Enfin, ça a été l'objet de tout mon travail, en fait. J'ai fait donc pendant 3 ans des enquêtes pour France Culture. Ça s'appelait Journal Breton, la fabrique du silence. Et il s'agissait de comprendre les pressions, les menaces qui s'exerçaient, en fait, sur les agriculteurs, qui faisaient qu'ils s'enfermaient dans le silence et qu'ils ne pouvaient plus critiquer les coopératives, qui sont pourtant, en fait, des organismes qui sont issus de l'économie sociale et solidaire. Et les groupes agroalimentaires ont tendance à dire que ces coopératives, ce sont les outils des agriculteurs. Ça leur appartient, donc ils en font ce qu'ils veulent. Et en fait, on voit que ça a été dominé par le domaine financier et des directeurs financiers qui ont dévoyé en fait ces coopératives de leur but initial. Alors, ce dont souffrent les agriculteurs bretons, c'est une sorte de double peine, parce que il y a cette situation commune à tous les agriculteurs en France, notamment je pense aux éleveurs de bovins. Ce sont des professions qu'on se transmet de famille en famille. Et la vie d'un agriculteur, c'est travailler beaucoup, gagner peu, jamais prendre de vacances. C'est totalement sacrificiel. Et en plus, il y a ces problèmes sanitaires. Il y a une sorte de double peine en Bretagne avec ces problèmes sanitaires. En fait, effectivement, il y a énormément de pression qui pèse sur ces agriculteurs parce que ils ont, comme vous dites, énormément de travail, très peu de revenus et ils sont pas du tout, ils sont très très endettés parce qu'ils doivent payer eux-mêmes leurs outils de travail, alors que leur travail, en fait, a été prolétarisé, quoi. C'est-à-dire qu'il est complètement contraint, ils ont plus de marge de décision. Il est complètement contraint et par le secteur bancaire et par le secteur agroalimentaire. Ils reçoivent même des SMS pour leur dire vous devez traiter à tel moment, etc. Et finalement, ils sont pieds et poings liés avec ce secteur et ils ne savent même plus, par exemple, ce qu'ils donnent à leurs bêtes, ce que contient l'aliment qu'ils donnent à leurs bêtes, qui est parfois importé de l'Europe de l'Est ou bien de l'Amérique du Sud et qui contient des produits qu'ils ne maîtrisent pas du tout, des produits qui peuvent les intoxiquer eux et intoxiquer, en fait, ce qu'ils produisent et donc la chaîne d'alimentation, quoi. Et en fait, l'effet pervers qui pèse sur eux, c'est que dans la société, ils sont vus d'un très mauvais œil. Ils sont souvent qualifiés de pollueurs. Oui, bien sûr. Alors que finalement, c'est les premières victimes de ces pollutions et c'est les premières victimes des pressions du secteur agroalimentaire qui, lui, s'enrichit énormément de ses productions. On y vient. Vous avez parlé tout à l'heure de démarches mafieuses. De qui parlez-vous ? En fait, il y a des connivences entre le secteur politique et économique en Bretagne. Il y a une mainmise d'un secteur économique quasiment unique qui est hégémonique en Bretagne. Il s'agit donc de l'agriculture et de l'agroalimentaire, mais de ces décideurs économiques. Et aujourd'hui en Bretagne, tout l'argent qui circule passe toujours, d'une façon ou d'une autre, par les mains, en fait, des dirigeants de l'agroalimentaire. Donc l'argent qui circule dans l'argent des subventions données par les communautés de communes, le conseil régional, les municipalités. Qui fait main basse dessus ? Parce que il y a des dirigeants de l'agroalimentaire sont installés. D'accord, alors je ne veux pas de nom. Dirigeants de l'agroalimentaire, on parle de qui ? Des syndicats, de la FNSEA, de la grande distribution, de qui on parle ? Effectivement, on parle de la FNSEA, des banques comme le Crédit Agricole, des grandes coopératives agricoles comme Eureden, Coperl, Evolop. Des mutuelles aussi ou pas ? Des mutuelles, des assurances. Il faut voir que la FNSEA, donc le syndicat agricole majoritaire productiviste, co-gère tous ces organismes. Ouais. Il co-gère aussi l'enseignement agricole. Les lycées agricoles. Mmh. Et finalement, ce système, ce tissu économique, il place aussi des encarts publicitaires dans la presse. Il a ses présidents ou directeurs de coopératives qui peuvent être maires, donc qui sont élus dans les communautés de communes, et puis qui peuvent être aussi vice-présidents du conseil régional. Donc c'est une structure montée sur l'idée du conflit d'intérêts. complètement et assumé, oui. Voilà, c'est une structure qui produit du silence, puisqu'on a pu voir, par exemple, moi, ça m'est arrivé d'être invité dans des salons du livre en Bretagne ou bien dans des festivals culturels, et suite à ça, le festival en question perdait une subvention très importante lui permettant de vivre, soit directement d'un groupe agroalimentaire, soit d'une commune qui était tenue par des cadres d'un groupe agroalimentaire. Donc ça produit en fait l'impossibilité de dire publiquement, de formuler publiquement certaines critiques. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt. François Perrache, vous avez écouté évidemment attentivement. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans l'écriture de cette fiction qui, rappelons-le, confronte le réel, hein, la base de cette fiction, elle est vraiment totalement réelle. Qu'est-ce qui vous a motivé? Moi, je connaissais le travail de la journaliste Inès Leroux, j'étais très admiratif. Donc quand Christophe Barrère m'a proposé de travailler là-dessus, j'ai tout de suite été enthousiaste. Et pour rebondir avec ce qu'on disait précédemment, qui est vraiment le cœur de ce dont on parle, c'est-à-dire la fabrique du silence, etc. En particulier en radio, je crois. Non, mais c'était vraiment le cœur de la chose. Et moi, c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite, cette question de chercher la vérité quelque part à travers la fiction. Et j'entendais là le mot omerta. Je veux pas dire de bêtises, mais l'intérêt de la fiction, c'est qu'on peut faire des analogies que le journalisme ne peut peut-être pas faire. Donc, je sais pas si ça a un sens scientifique, journalistique, de dire le système agro-business breton est une mafia. Mais d'un point de vue fiction, il y a plein d'analogies qu'on nous a dites et que moi j'ai entendues sur, par exemple, la présence de la famille, le rôle de la famille, en particulier aussi en Bretagne avec le rôle rémanent de la religion. Il y a la notion d'État dans l'État dont on nous a beaucoup parlé, dont Inès a parlé, qui est à la fois ambivalent avec l'entrisme des lobbies pour les choses publiques, mais aussi dans l'autre sens une espèce de répulsion, de distance ambivalente avec par exemple la révolte des bonnets rouges récemment, des choses comme ça. Il y a les intimidations mafieuses et puis il y a ce truc central de l'omerta. Et l'omerta, c'est là où je dis, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça vient de homo et humilta. Et donc c'est l'homme humble. Et le silence, c'est la base, une des trois règles fondamentales des mafieux. C'est-à-dire, on dit la vérité entre nous, et rien de ce qui se passe dans la communauté ne sort de la communauté. Et c'est exactement ce qui se passe, je crois, en Bretagne. C'est pour ça que c'est pas le cas uniquement en Bretagne, mais en Bretagne, c'est très fort. Et sur cette notion d'humilité, moi, ce qui m'avait frappé aussi, pour répondre à votre question, c'est ce côté, un homme digne de ce nom, il travaille, et il se tait. Voilà. Il fait, il agit, et il ne parle pas. Et or, ce silence, bah, il fait aussi des morts, concrètement. Il y a des choses qui sont pas bien. Et je trouve que parler de ça en radio, redonner la parole, c'est-à-dire le travail qu'a fait Inès, redonner la parole à les gens qui ne veulent pas parler, c'est le cœur de ça, et c'est un travail anti-mafieux qui a été fait, je pense. Donc il y a des liens sur cette mafia qui est pas un lien scientifique réel, mais je pense qu'au niveau allégorique, la fiction peut raconter ça. On part du réel, et puis on fait des parallélismes comme ça avec ce système, oui, qu'on peut qualifier de mafieux. D'un point de vue technique maintenant, comment on travaille ? C'est intéressant parce que ça peut être deux écritures différentes, celle du scénariste de fiction, adossé au réel, mais de scénariste de fiction, et la journaliste qui a connu le terrain. Comment on harmonise tout ça, techniquement ? Alors, ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai rencontré Inès, elle m'avait cité un de ses détracteurs qui lui reprochait de faire ses reportages comme de la fiction. Et moi, je pense que je fais mes fictions comme des reportages. En tout cas, j'essaye. Et je pars tout le temps du réel, en fait. Toujours d'un travail documentaire énorme, que ce soit, par exemple, sur France Culture, 57 rue de Varennes, c'est très documenté. Mais toutes les fictions que j'ai faites aussi pour Inter, elles partent du réel, de la documentation. Donc, je pense qu'on s'est trouvé un peu sur ce terrain. Donc, c'est partir du réel beaucoup. Et je ne commence pas à révéler des secrets de fabrication. Enfin, si, c'est peut-être la question, d'ailleurs. Mais, non, ce ne sont pas des secrets, ça peut être intéressant. Comment artistiquement, la question est parfaitement artistique. C'est toujours pareil, c'est trouver l'énergie entre élargir au maximum le spectre et ne pas se noyer dans trop d'informations. Oui. Mais ça, c'est Hugo, quoi. Rien n'est détail, tout est l'ensemble. Et voilà, celui qui n'observe pas tout ne contemple rien. C'est ce que dit Hugo, c'est notre objectif à nous. Faut avoir des étoiles qui nous guident, quoi. Et donc, moi, j'avais beaucoup lu, j'avais tout lu, tout écouté ce qu'avait fait Inès, tout lu ce qu'elle avait fait, etc. Et j'avais voulu passer 3 jours chez elle. Donc, j'ai passé 3 jours avec elle pour m'immerger, rencontrer d'autres gens, faire un peu de terrain, moi aussi, très rapidement. Et je me souviens d'Inès un peu terrorisée, je crois, et tétanisée, parce que dans mes échanges, je passais d'une question sur sa petite enfance à je voulais bien entendre une interview de tel journaliste qu'elle avait rencontré, tel agriculteur, et puis je voulais bien un petit panorama rapide de l'histoire des syndicats bretons agricoles, etc. Parce que dans ma tête, c'était assez clair, quoi. C'est-à-dire qu'il faut à la fois ouvrir le spectre, et puis choisir une ligne de force qui soit commune et qui nous permette de raconter à travers une histoire précise, qui est celle de la Bretagne, mais qui pourrait se raconter dans d'autres territoires. C'est déjà un continent, bien sûr, la Bretagne. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. C'est un problème national aussi. Et on a pris une petite ville imaginaire, mais qui est emblématique d'eux, et on a pris un sujet à l'intérieur, qui est la question des semenciers de la nourriture de grains alimentaires. Mais à travers ce sujet-là, on essaye de brosser tous les aspects qui vont du drame du suicide à des périodes plus heureuses, des choses comme ça. Merci infiniment François Perrache, merci infiniment également Inès Leroux pour ce travail. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction Mauvaise Graine. Demain jeudi donc, la suite de cette série avec les épisodes 2. Alors celui-là est intitulé aux animaux la guerre. Et l'épisode 3 intitulé Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et puis vendredi, bien sûr, le dernier épisode intitulé Lui, selon que vous serez puissant ou misérable.